souillé. Pas besoin qu'on tout mange sous dormi soulevé. M'barre sous, c'est souillé, c'est souillé, ou expiré. M'barre sous, c'est souillé. Pas besoin qu'on tout mange sous dormi soulevé. M'barre sous, c'est souillé, c'est souillé, ou expiré. Yo yo yo, j'ai tourné la page. J'suis passé à autre chose. Ou là j'm'en pas qu'à jouer. Si n'est pas ensemble, c'est où qui cause. Moment pour m'te sensé pour avancer. Chaque fois m'songe j'en piétine qui aime casser. Passer, moi avant son bagay m'effacer. Dans l'esprit m'jodi y'a un jeune monde qui comprend moi. Nous entend bien. Li retire tout bien souvenir ou qui t'endant moi. L'innocence moi, femme chance moi. Li traite m'koua, li connaît importance moi. Existence ou pas concerné. Malade ou le mort, bien à tout yon pas concerné. Moi t'es dans vie mon cas de brise. Pour mon bel exister. M'barre sous, c'est étouillé. Pas besoin qu'on tout mange sous dormi soulevé. M'barre sous, c'est étouillé. C'est étouillé, ou expiré. M'barre sous, c'est étouillé. Pas besoin qu'on tout mange sous dormi soulevé. M'barre sous, c'est étouillé. C'est étouillé, ou expiré. M'barre sous. Je pense à la musique expirée. Je m'en vais, je compte sur un vie sous suspens respirer. L'aime d'abord l'amour sans mesurer. T'es humiliée, fais me crier, même des résiliers. Mais j'ose y aime, je ne pas non. Pour tout l'aime, laisse calme. Les temps qu'on médicament, t'es ma femme, sentir mieux. J'en dis assez exouillé, son état bouillé. M'en compte, ça me doit un roue, pas même qu'on mouillé. Si de l'eau a mouillé, ma chère débouillé. Derrière ta voix toujours tension tape tout yem. Existence ou pas concerné. Malade ou le mort bien à tout yon pas concerné. Montrer dans vie mon cas de brise. Yonde, yonde, hey. Est-ce que moi tu expiré? Ou jeter à la poubelle? Moi tu expiré? Ou jeter à la poubelle? Moi tu expiré? Ou jeter à la poubelle? Jeter, jeter, jeter à la poubelle. Est-ce que moi tu expiré? Ou jeter à la poubelle? Moi tu expiré? Ou jeter à la poubelle? Où tu expirais? J'étais à la poubelle. J'étais à la poubelle. Oh oh. It's came from baby. Yeah. Votre côté, j'aime non. Votre côté, j'aime bien musique. Bien musique, bien musique, c'est. Expirer, j'étais à la poubelle. Où tu expirer, j'étais à la poubelle. Où tu expirer.